humains qui après nous vivez. N'ayez le cœur contre nous endurci. Ne riez pas quand nous apercevez. Tout est charné, car tel serait aussi. Ne condamnez ceux qui furent toxiques. Par justice, car justice varie. Et tous hommes n'ont pas bon sens racis. Tirez le son de nos os tout en poudre. De notre mal, personne ne se rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a ravinés et lavés. Est morte cette chair trop bien nourrie. Nos yeux gourmands, nos yeux luisants d'envie. Corbeaux laissant un coup de bec crevé. Nous avons cherché à nous élever. C'est fait, voyez flotter nos chairs pourries. Comme rebuts jetés à la voirie. Plus bais que des oiseaux, que des accoudres. Ne soyez donc de notre confrérie. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. À fillette montrant tes teints pour avoir plus largement route. À voyou coureur de putains vivant grassement de leur faute. À fous et folles, sauts et sautes, tirelaines, tueurs endurcis, tartuffes et fausses dévotes. Je crie à tous, ayez merci. Mais les salauds de la police et ceux qui leur prêtent main forte, tous ces bavards pleins de malice, que tous les diables les emportent. Mais déjà le bourreau m'appelle, ils sont les plus forts, c'est ainsi. Je ne leur cherche plus querelle. Je crie à tous, ayez merci. Cassez à grands coups de marteau leur sale gueule sans merci. Le reste l'oublierait bientôt. Et crie à tous, ayez merci. Eh bien, nous y voilà. Monsieur Maquis va être pendu, car vous savez bien qu'ici-bas, chacun ne reçoit que son dû. Mais pour que vous n'alliez pas penser que nous agissons cruellement, le héros ne va pas y passer. Voici un autre dénouement, afin que vous voyez, à l'opéra du moins, la pitié l'emporter sur le droit, et parce que nous vous voulons du bien. Voici qu'arrive le héros.